Yavanna, une artiste orléanaise. Le temps d'allumer le micro, si je me plante pas, tu vas me taper sinon. Auteur, compositeur, pas trop d'interprétation, c'est essentiellement morceaux originaux que tu chantes avec ta propre voix. Et Yavanna, vas-y, bonjour. Bonjour à tous, vous allez bien? On fait du bruit pour Arc-en-Ciel? Allez, plus que ça, j'entends rien du tout. Allez, du bruit! Ouais, c'est bien. Donc voilà, je vais me présenter un petit peu. Donc ça, voilà, Yavanna, chanteuse orléanaise. Je vais sortir mon troisième album le 24 juin, donc distribué par Auchan Olivier et signé en maison de disques, donc sous un petit label qui a signé avec Sony Music, SK Edition, donc pour toute la promotion téléchargement, on va dire ça comme ça. Donc le troisième album s'appelle Retour à l'essentiel. Je vais vous présenter trois chansons de cet album. Et juste avant, on va commencer avec la chanson Je suis SOS. C'est la chanson qui m'a fait connaître et donc Radio Arc-en-Ciel a beaucoup diffusé. Donc si vous retenez le refrain, n'hésitez pas à chanter avec moi. C'est une chanson que j'aime beaucoup, qui parle de la détresse du monde. Donc voilà, si on chante ensemble, le SOS pourra être entendu par tous. Voilà, donc Je suis SOS, c'est parti. Voilà pour le titre, donc Je suis SOS, qui était sur l'album Ma Réalité, commercialisé l'an dernier. Et donc on va enchaîner avec l'album Retour à l'essentiel, avec un titre assez rap, Ma Lune vous contemple, donc c'est parti. Ah non, pas celle-ci. Bah sinon on la laisse. Ma Lune vous contemple. Ça doit être... Ouais, c'est ça. Si quelqu'un peut me ramener de l'eau également, s'il vous plaît.

Si avec des si on pouvait changer le monde. Et si. On va continuer avec le titre « Ma liberté de chanter », le dernier single sorti en date. C'est parti pour le titre « Ma liberté de chanter » sur l'album « Retour à l'essentiel » qui sortira le 24 juin à Auchan Olivet. Donc je vous invite tous à me rejoindre. Je sais pas s'il y a quelqu'un là-bas. Allô ? Non, elle va de là. « Ma liberté de chanter ». Si avec des si on pouvait changer le monde. Ma liberté de chanter, c'est celle-là, mais un peu moins. Je garderai ma liberté. J'écris, je chante sans perdre la tête. Merci. Et pour le dernier titre, donc je vais inviter un de mes artistes, Justive. Donc on peut l'applaudir bien fort. Pour le titre Laisse-moi t'emmener. Un titre qui sera en duo donc sur l'album Retour à l'essentiel. Ça va mon petit? Ouais, alors Justine, c'est normal, c'est qu'en fait on a eu un petit buzz, tu vois. Là, Yavanna l'a tellement bien chanté, tu nous as fait surchauffer la console. Ah bah comme, comme d'habitude, hein, n'est-ce pas la Yavamily? Alors comme c'est on du numérique, le problème du numérique c'est qu'on peut pas couper. Donc je vais donner mon micro, il n'y a aucun réglage, hein, tu vas être obligé de prendre le mien, nature et tout. Et on coupera juste un petit peu un instant pour la radio, je reprendrai le relais de la radio juste après, temps de couper pour remettre la console à jour. Bonsoir. On l'applaudit bien fort, Justive. Bonsoir à tous. Pour le titre, Laisse-moi t'emmener. C'est good là-haut. On peut y aller. J'écris, je chante en perdre la tête. Je crée mon décor, plus rien ne m'arrête. Bah non, ça vous a pas lancé. Hein. Alors, vous faites du bruit ou pas? Y a quelqu'un dans la salle? Ah, il n'y a pas grand monde, hein. Je plaisante. Salut, rentrez bien. Donc le titre, Laisse-moi t'emmener. On est bon? Tu peux monter l'instru. Je ne vois tes bras, viens, on s'en va. Laisse-moi t'emmener. Laisse-moi t'emmener. Laisse-moi t'emmener. Laisse-moi t'emmener. Elle est si belle, je ne vois ma vie qu'avec elle. Non, je suis peut-être pas le plus beau, mais je saurais soigner tes maux. Mais je saurais soigner tes maux. Mais je saurais soigner tes maux. Oui. Peu importe tes défauts, peu importe tes défauts, je m'abandonne pas, peu importe tes défauts, je m'abandonne pas. Attention, attention, à l'unisson, je vais faire en sorte que tu perdes la raison. En cadence, saisis-moi une chance, une chance. Accorde-moi une chance, y'a qu'un avec toi, que tout va, je ne vois tes bras, viens, on s'en va. Laisse-moi t'emmener. Accueil, c'était super sympa de passer un moment avec vous. On va laisser la place maintenant à la suite. Au boss. Bonne soirée à tous, à bientôt. N'hésitez pas à venir nous rejoindre le 24 juin au Champ Olivet.